force et courage, elle qui s'anonyme, toujours l'été, qui fait ça tomber, mon qui plairait. Tout ça nous est dit.